pardon, j'allais dire les mots pensés, je me mélange les pinceaux. Aujourd'hui, on va parler de l'habitat, c'est ça? C'est bien ça. Ok, bon. Alors, je vous laisse en leur compagnie. Radio Campus est partenaire de la 11e édition du Festival Mixité qui se déroule sur le campus de la Cité Scientifique le 29 mai de 11h à 1h du matin. Au programme, une grande parade, un village associatif, des animations pour enfants, des démonstrations de danse, de capoeira et de la petite restauration. Et des concerts avec des trésors, Barrio Populo, Shamans, Old Dutch Fellow. Et à partir de 19h, sur la grande scène, l'instru de Polytech, Winston McAnuff, Fixie, Barcella, DJ Wampas et les Bikini Machines. Et pour clôturer, Atic Sound System. C'est en plein air et c'est gratuit. Plus d'infos sur mixité.univ-lilin.fr. Bonjour, nous sommes le samedi 18 mai 2013 et vous êtes sur les ondes de Radio Campus pour écouter avec toute l'attention qu'elle mérite l'émission de l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Émission de l'association ATTAC qui a pour nom l'émission Angle d'Attaque. Exactement comme le nom du journal du collectif d'Attaque Bruxelles. C'est Antoine, c'est forcément Antoine qui trouve des trucs comme ça. Il n'y a que lui pour trouver des choses pareilles. Aux amis bruxellois, le papier et à nous, les mégahertz, exactement 106,6. L'essentiel, c'est d'adhérer et, me dit René, d'acquitter sa cotisation pour les membres, la cotisation 2013. Aujourd'hui, avant-dernier volet, pénultième pour ceux qui ont du vocabulaire, comme Pierreuse, avant-dernier volet, dis-je, de notre visite dans le monde de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, nous allons nous rendre compte que l'expression « action citoyenne » qui constitue les deux dernières lettres d'Attaque prend tout son sens dans notre thème du jour « l'habitat partagé » ou « participatif ». Vous nous direz exactement le mot qui convient, le mot juste. On a hésité en préparant l'émission d'ailleurs, et vous l'avez vu dans les mails que nous avons envoyés. Action citoyenne, en effet, parce que s'engager et engager dans un collectif, dans un habitat qu'on va partager, c'est pas de la tarte, c'est pas de tout repos. On va voir ça avec les invités qui ne sont pas moins de trois aujourd'hui. Maude qui a fait une courte apparition un soir de septembre dans une réunion d'Attaque Lille où nous préparions le programme de l'année pour Campus. Et Maude s'est tout de suite déclarée intéressée pour ce thème de l'habitat, que j'appelle toujours partagé pour le moment, qu'elle connaît bien pour avoir vécu dans ces conditions loin de l'Hexagone. On n'a pas vu Maude depuis septembre, mais elle est bien là. Bonjour Maude. Christian Singre et Jérémy Fitoussi représenteront l'association HEP. HEP, ça veut dire Habitat écologique partagé. Habitat écologique partagé, voilà une nouvelle appellation. Merci à chacune et à chacun d'être là. Un jour ou à une heure, on fait plutôt autre chose, mais vous pouvez être sûr que nos auditrices et auditeurs sont tout acquis à votre écoute. René, nous allons parler d'entrée, pas de l'actualité d'Attaque. Tout à fait. Alors, d'abord au plan national. Poursuite de la campagne « Stopper l'évasion fiscale ». Pour rappel, suite à l'affaire Cahuzac, Attaque avait publié une lettre ouverte à François Hollande et lancé une pétition. Devant l'insuffisance du projet de loi de moralisation, sans personnalité du monde associatif, syndical, culturel, scientifique et politique, souvent parmi les premiers signataires, on lançait un appel de soutien à la pétition, qui a déjà recueilli plus de 40 000 signatures. Vous pouvez signer cette pétition sur le site d'Attaque France. Liée à cette campagne, une tribune a été publiée dans Libération le 29 avril par le collectif pour l'audit citoyen de la dette publique, dont fait partie Attaque. Éradiquer les paradis fiscaux rendrait la rigueur inutile. Ça, c'est le titre, effectivement, de l'action en question. Hein. Le 30 avril, la veille du 1er mai, un banquet débat, un an après sortir de l'impasse, était organisé par Attaque, Mediapart et les partenaires de l'Altersommet prévu à Athènes, à l'espace Reuilly, à Paris. Les débats abordaient trois thèmes. Le social, de la résistance à l'offensive, comment fait-on ? L'écologie, des incantations à la transition, comment fait-on ? Et de Tunis à Athènes, le printemps des mouvements sociaux. Les 11 et 12 mai, à Notre-Dame-des-Landes, le samedi 11, la chaîne humaine qui rassemblait 40 000 personnes s'est déployée sur 25 km autour de la zone à défendre. La ZAD. Un succès. Le nombre de participants était suffisamment important pour encercler complètement le site. Pour rappel, Attac avait appelé à une mobilisation, une présence massive de ses adhérents et adhérentes dans cette manifestation. Alors, l'intersommet d'Athènes, maintenant. Alors, ça, c'est le grand événement international de la période. Il se déroulera les 7 et 8 juin à Athènes, bien sûr. Pardon. Il regroupe plus d'une centaine d'organisations syndicales, associations, mouvements citoyens et féministes issus de 20 pays européens qui se mobilisent ensemble depuis plus d'un an contre les politiques d'austérité. Attac, bien sûr, s'inscrit dans ce mouvement. L'objectif de l'Altersommet est de construire des convergences et d'engager des batailles concrètes à l'échelle européenne, ce qui manque à l'heure actuelle. Autrement dit, il s'agit de créer un pont entre les luttes et mobilisations des différents États. Mais l'Altersommet, ce sera aussi l'occasion de rendre public le Manifeste des peuples, un texte qui présente les demandes communes et urgentes des membres de l'Altersommet et qui a été finalisé les 10 et 11 mai à Zagreb, en Slovénie. Les 7 et 8 juin sont prévus à Athènes des assemblées thématiques, des rencontres de différents réseaux et organisations, le meeting de présentation du manifeste et le 8 juin, en fin de journée, une manifestation européenne pour clôturer l'Altersommet. Pour lui donner de la visibilité et l'inscrire dans la durée, les organisations participantes invitent leurs membres à relayer cet événement au plan national et local, en prenant des initiatives diverses, comme des réunions publiques, des actions de rue, en passant par le développement de contacts avec les mouvements d'autres États. Enfin, Attac participe au deuxième Festival de la Transition qui se déroulera du 24 au 26 mai à Cluny. Cette manifestation a pour but de faire connaître et d'accompagner des projets citoyens agissant pour la transition écologique et sociale. Alors, le plan local, René, de quoi il s'agit ? De ce qu'on a fait ces temps-ci ? Eh bien, pas mal de choses. Déjà, le 29 avril, intervention de Jean Gadret, président d'Attac Villeneuve-d'Ascq, je le rappelle, aux côtés de Corinne Gobin et Vladimir Nédu, dans le débat public, combattre l'austérité, combattre la flexi-sécurité. Ceci à la Bourse du Travail à Lille. Un gros succès d'ailleurs, cette manifestation. Il y avait pas mal de monde quand même. Oui, oui. Le 6 mai, réunion publique suivie d'un débat sur le thème de l'évasion fiscale et sur les solutions pour éradiquer les paradis fiscaux, organisée par Attac Roubaix-Tourcoing à la FAL de Roubaix. Et là, il y avait beaucoup moins de monde et pourtant, c'était bien intéressant. Et oui. Et enfin, le jeudi 23 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine, à 20h au Majestic, 54 rue de Béthune à Lille, les trois comités locaux Attac de la Métropole organisent la projection exceptionnelle du film de Marie-Monique Robin, Les Moissons du Futur. Donc un film qu'on vient de visionner d'ailleurs avec René, que je trouvais excellent, montrant l'agrobiologie et qu'on peut effectivement cultiver la terre sans pesticides, sans herbicides. Et c'est une démonstration assez forte qui nous vient de quatre continents en l'occurrence. Et ce film sera suivi d'un débat en présence de Marie-Monique Robin que nous avons invitée. Et seront également présents Antoine Jean de la Confédération Paysanne et Gérard Cabi des Amis de la Terre. Ouais, on prévoit une belle soirée et il est recommandé de prendre vos billets d'avance parce qu'il y a bon nombre d'associations qui se sont mises dans le collectif pour préparer cette soirée. Et donc on pense que les 200 personnes que contient la grande salle du Majestic sera peut-être un peu juste et ce sera dommage qu'il y ait des gens dehors. Bien, on va passer au collectif O. Donc, on sait que René est l'homme d'Attac sur le collectif O. Et il se passe des choses actuellement assez difficiles avec les Eaux du Nord qui contestent non seulement la MCU, mais qui a l'intention de vendre une partie de son matériel à la MCU si jamais on passe en régie publique. Oui, enfin... c'est plutôt qu'elle ne voudrait pas, elle veut les vendre, mais à un prix élevé. Mais toutefois, on peut dire pour l'instant que le collectif est de toute façon de plus en plus écouté, au sein des réunions publiques, bien sûr, où interviennent les élus, mais aussi dans les rencontres que j'appellerais techniques, comme récemment entre le GAB Nord et l'MCU. Et l'on constate également que les entrevues avec les groupes d'élus communautaires se développent. Le 15 mai dernier, c'était le groupe Métropole Passion Commune. Et le 23 mai, à Marc-en-Barœul, ce sera le groupe Métropole Communes Unies. J'en profite pour vous dire qu'une réunion publique est prévue le lundi 10 juin à Wattignies. Bon, j'ai pas plus d'informations. Et bien sûr, alors, tout ceci amène une inquiétude croissante aux eaux du Nord Suez, qui, après les stratégies de séduction, du genre « nous sommes devenus vertueux », et de manipulation du personnel, qui apparaît d'ailleurs de plus en plus divisé et réticent, a choisi l'affrontement brutal avec la plainte déposée en début d'année au tribunal administratif et qui, par sa décision, l'exemptait du remboursement de 115 millions d'euros et annulait la baisse de 10% du tarif de vente d'eau potable. On peut le lire, on n'arrive pas à y croire de toute façon, c'est quand même étonnant. Oui, alors, donc, agressivité des eaux du Nord, Suez, contre la LMCU. On ne comprenait pas très bien la démarche, mais cela s'explique. Les eaux du Nord Suez sont propriétaires d'une partie des unités de pompage et assurent 40% de la production, qu'elle revend à LMCU. Refuser de rembourser les 115 millions d'euros tout en exigeant un prix élevé pour la vente de ces usines, soit 80 millions d'euros, vise à priver la communauté urbaine des finances nécessaires pour leur rachat. Ainsi, restant maître d'une partie de la production d'eau potable, les eaux du Nord Suez disposeraient d'un moyen de pression sur la communauté urbaine, pour la faire renoncer à la mise en place d'une régie publique. Ou, si malgré tout, LMCU opte pour une régie, augmenter à loisir le prix de sa production. La vente d'eau potable, je le rappelle, se faisant de gré à gré. Amenant ainsi, fatalement, une hausse des factures, ce qui permettrait alors d'affirmer que le retour en régie n'a pas amené de baisse des prix, voire au contraire l'a augmenté. D'accord. Enfin, au sens analytique du terme, c'est une prise d'otage, en fait. Exactement. Et il y aurait sans doute des moyens pour sortir de ce piège. Donc le collectif a avancé quelques propositions. Par exemple, s'approvisionner auprès d'un autre fournisseur, peut-être Noread, mais quel serait son prix? La réquisition, mais elle est longue à mettre en place et elle serait de toute façon contestée par les eaux du Nord Suez devant les tribunaux. Des années de procédure donc en perspective avec peu de chances de succès. L'expropriation au nom de l'intérêt général. La bataille juridique serait longue, mais la communauté urbaine devrait logiquement gagner. Toutefois, il faudra entre-temps assurer l'approvisionnement, sans doute par référé, en obligeant les eaux du Nord Suez à livrer l'eau à un prix fixé par la justice. Mais il est clair maintenant, après les dernières entrevues, que l'objectif primordial de la communauté urbaine est de reprendre le contrôle de la production pour s'affranchir des eaux du Nord Suez. Les experts qu'elle a mandatés ont estimé le prix des usines à environ 50 millions d'euros, nettement moins que les 80 millions réclamés par les eaux du Nord. L'emprunt n'amènerait qu'une augmentation négligeable du prix ou du mètre cube, et cet emprunt pourrait d'ailleurs être souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations à un taux avantageux. Oui, mais alors, le collectif, il a déjà annoncé qu'on a déjà payé tout ça, non ? Oui, mais malheureusement, dans l'état actuel de la législation, rien ne permet de réparer cette injustice. Et bien que la situation ne soit pas réellement satisfaisante, tout en restant critique et vigilant, jouant ainsi son rôle d'aiguillon, le collectif apporte son soutien à l'MCU dans ce bras de fer qu'il oppose aux eaux du Nord Suez. C'est rigolo, le collectif qui était plutôt contre la MCU devient partenaire. Si l'on veut, mais nous soutenons, le collectif soutient LMCU dans cette démarche de reprise de contrôle, mais lui rappelle qu'il a d'autres exigences. C'est d'ailleurs son rôle d'aiguillon.

issu de la crise d'ailleurs. Il va de soi qu'à Attac, nous partageons les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Mais nous avons voulu montrer, avec celles et ceux qui sont engagés vraiment, combien et comment ces valeurs sont vivantes et fondatrices de rapports différents et autrement stimulants entre les personnes que les rapports marchands. Avec l'habitat participatif partagé, on va voir le vocabulaire, on est servi, si j'ose dire, tant la démarche est alternative. Il s'agit de répondre aux besoins et aux désirs des citoyens qui s'engagent pour de nouvelles approches de l'habitat, une approche collective, par construction, moyens et objectifs. En un mot, nous attendons de vous que vous allez détailler cette forme d'habitat qui se désigne par une série d'initiatives. Je cite le livre blanc que vous nous avez envoyé, dont l'objectif est la recherche d'alternatives au cadre de production classique du logement, en positionnant l'usager au cœur de la réalisation et de la gestion de son lieu de vie. Rien que ça. C'est bien un livre blanc. Alors, première question, comment vous-même vous en êtes venu à cette forme d'habitat collectif ? Christophe. Oui, voilà. Pour répondre à la question, peut-être revenir sur ce qu'on entend par habitat. Je crois qu'il est important de comprendre que habiter, c'est s'inscrire, utiliser un cadre de vie. Quel est le point commun entre l'habitat nomade des zones sahariennes, l'habitat rural de la fin du 19e, par exemple, l'habitat industriel dont on a encore beaucoup de traces dans notre région, autour des usines textiles, autour des sucreries, autour des puits de mine? Quel est le point commun entre ces différentes formes d'habitat? C'est qu'en fait, ces habitats illustrent un rapport que ceux qui utilisent les logements et les infrastructures qui tournent autour des logements, un rapport qu'ils entretiennent avec la société, avec leur société. Et ici, depuis la deuxième partie du XXe siècle, nous sommes arrivés dans une forme d'habitat qu'on pourrait dire appelé de post-industriel, où en fait, ce qui caractérise le cadre de vie qui est proposé, c'est fait d'entrer dans un objet de consommation. Enfin, pour finir, habiter, c'est acheter ou revendre un produit. C'est pour les promoteurs essayer de fournir un cadre. C'est cette base-là qui a interrogé un certain nombre de particuliers en France et qui les a motivés à essayer de trouver une autre forme. Parce que le contenu de cette proposition commerciale, entre guillemets, c'est qu'il est complètement individuel. Il écarte toute possibilité de rencontre. Il ne pose pas la question du vivre ensemble. Il pose la question du vivre chacun chez soi, uniquement. Et ça a perturbé, je pense, un certain nombre de particuliers, ce qui a amené à des prises d'initiative un peu partout. Je vais laisser Jérémy expliquer comment, à Lille, un certain nombre de ménages se sont, à un moment donné, regroupés pour se poser la question, mais comment on pourrait faire pour adopter un autre cadre de vie ? Oui, en effet, un moment où tout est individuel, les pubs sont vraiment prônent l'individualisme, effectivement. Jérémy ? Alors, juste pour l'histoire du vocabulaire, donc on parle d'habitat partagé ou d'habitat participatif, d'habitat groupé, on peut dire également le cohabitat, l'habitat coopératif, l'autopromotion, enfin il y en a plein. Pour nous, c'est la même chose. On peut passer de l'un à l'autre, c'est pas très gênant. Voilà, c'est juste un petit préambule. Donc moi, à titre personnel, je me suis intéressé à ce type d'habitat en rencontrant dans les milieux militants et écolos des formes de vie collective plutôt en milieu rural, donc que ce soit du logement communautaire autour de fermes ou des villages, des écovillages. Donc ça, c'est des expériences qui existent en France depuis au moins les années 70, qui sont assez développés en milieu rural. Et donc c'est à partir de là que je me suis intéressé à ces questions d'habiter à plusieurs en partageant des lieux de vie communs. Donc en ayant une partie privative et une partie en commun. Au niveau de Lille, donc l'aventure de EP, ça s'est lancé en 2005 suite à l'initiative de deux couples qui se sont dit bah ce serait intéressant d'essayer de faire quelque chose en milieu urbain autour du logement d'un logement partagé. Et donc ils ont lancé des petites annonces, et puis le bouche à oreille aussi a fait que un samedi après-midi, on s'est retrouvé à une petite cinquantaine chez l'un des deux couples pour discuter comment il était possible de se mettre ensemble, de se regrouper autour de la constitution d'un groupe qui permettrait de réaliser un logement participatif. Et donc à la suite de cette première réunion, il y en a eu plein d'autres. Et donc on a défini des valeurs communes, un mode d'organisation. Ensuite, nous avons déposé donc les statuts de HEP, Habitat écologique partagé. Donc depuis 2005, c'est une association qui existe sur la métropole et qui a donc pour objet de faire rencontrer des personnes intéressées par ces questions-là et qui souhaitent donc monter des groupes projets pour ensuite essayer d'habiter ensemble. HEP est aussi, essaie d'essaimer cette pratique. Voilà, donc c'est un mouvement, une association d'individus, de personnes intéressées par la question. Donc il y a eu beaucoup de groupes projets qui se sont pour l'essentiel cassés les dents d'ailleurs à partir de suite à 2005. Pour différentes raisons qu'on reviendra peut-être tout à l'heure dessus. Et donc voilà, et depuis l'association vit comme ça au rythme des groupes, de la constitution de groupes, de la motivation des uns et des autres pour constituer des logements participatifs. Oui, alors Maud, alors comment ça s'est passé ? C'est un peu différent, je crois. Oui, moi c'est différent. Je suis donc étudiante à Sciences Po et je me spécialise en master dans l'économie sociale et solidaire. Et cet été, je suis partie en stage au Canada au sein de la Fédération canadienne des coopératives de travail. Et le bureau de la fédération, c'était dans une copropriété autogérée, ils appellent ça comme ça, donc où j'ai été logée pendant un mois et demi, et c'est là que j'ai découvert le fonctionnement de ce type d'habitat. Et c'est un petit peu la même idée, c'est l'idée de proposer une alternative à l'individualisme de l'habitat, puisque Calgary, c'est une ville très américanisée, avec chacun sa grosse maison, sa grosse voiture et sa petite parcelle de terrain. Et c'est pas un hasard si cette copropriété autogérée, elle s'est développée là, et c'est la première dans la partie anglo-saxonne du Canada. Et c'était pour les habitants une manière de trouver une solution à cet individualisme dont ils souffraient au sein de la ville de Calgary. D'accord. Alors avec ces trois expériences, on comprend bien, en fait, ce que vient de dire Jérémy, puis Maud, donc elle est arrivée comme ça, mais pas par le hasard, on est bien d'accord, dans cette maison au Canada. Le problème, c'est de mettre tout ça en place, Christian Saint-Gras. Comment arriver à ce que les opérations puissent se réaliser, hein. Alors, un point que n'a pas précisé Jérémy, c'est que les groupes, souvent, dans leur réflexion, se réclament des préoccupations environnementales. Et donc, souvent, les projets sont, et d'ailleurs le terme de HEP est bien significatif de ce point de vue-là, habitat écologique partagé. Et donc, les groupes envisagent des habitats qui intègrent bien ces préoccupations. Et alors, donc, dans la généralisation qui est en train d'avancer, quelque part, cet élément-là est très important parce que c'est à partir de cet élément-là que les initiatives privées exposées précédemment viennent rencontrer des politiques publiques, puisque la préoccupation environnementale est maintenant très au cœur des politiques publiques. Et ce qui se passe, c'est que la recherche, par exemple, de foncier de la part des groupes vient rencontrer des collectivités locales qui se disent bah, peut-être qu'à partir de ces groupes, nous allons pouvoir faire avancer l'idée de la densification urbaine, par exemple, de venir contrer les déplacements urbains, les déplacements vers l'extérieur qui commençaient à devenir qui sont un problème, voilà. Et donc les opérations qui se développent, par exemple, commence à se faire dans le cadre des écoquartiers ou dans le cadre d'opérations visant à stopper l'étalement des villes. Donc, on a donc un certain nombre de points de rencontre, on pourrait dire, entre les initiatives privées et les politiques publiques. De ce point de vue-là, il y a un tournant, on pourrait dire, dans les années 2009-2010, où, à partir des rencontres nationales de l'habitat participatif qui ont lieu à Strasbourg, le débat s'est organisé sur le plan national entre les collectifs d'habitants, les élus et les techniciens qui étaient en mesure de les accompagner. En somme, c'est tout récent, cet intérêt des pouvoirs publics. Et avant, ça se passait comment? C'était difficile? Parce que j'ai mis à parler du rural, c'était avant le pouvoir public, surtout les grandes municipalités s'interrogent sur les questions des écoquartiers. En fait, en urbain, on a le gros problème du prix du foncier et de la concurrence avec la promotion privée. Donc c'est pas évident pour des groupes d'habitants, enfin de futurs habitants, de réussir à concrétiser leurs projets. Et avant, donc, ce nouvel intérêt des pouvoirs publics, c'était pratiquement impossible. Enfin, il n'y avait aucun soutien des pouvoirs publics. Oui, enfin, Jérémy l'expliquait. Je pense que les groupes qui se sont constitués à Lille en 2005 ont eu un mal fou à trouver des solutions. Parce qu'en fait, sur le foncier, il y a deux solutions. Soit vous cherchez par vous-même un vendeur de terrain privé, et vous êtes dans le marché privé, il faut arriver, on est en compétition à ce moment-là avec des promoteurs, voilà. Soit vous alliez à la collectivité publique qui vous propose des terrains dans le cadre de zones d'aménagement concertées, par exemple. Et donc c'est vrai que c'est un peu plus facile pour les groupes de faire, mais les deux, EP est à l'écoute de tout projet. Nous avons actuellement sur Villeneuve-d'Ascq un groupe de seniors qui, en fait, va sans doute réaliser son opération sur un terrain privé pour finir. Il va trouver une solution à sa recherche qui, effectivement, date de maintenant de plusieurs années. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un virage depuis qu'on a cette possibilité d'intégrer des ZAC, et la ville de Lille a, de ce point de vue-là, suivi la ville de Strasbourg en montant un appel à projet qui trouve des éléments de réalisation actuellement dans le quartier de Bois-Blanc, où deux des groupes qui se sont fondés, forgés, on pourrait dire, au sein de EP, sont en train, sans doute, d'aboutir à la satisfaction de leur projet, quoi. On parlait d'achat, ça se loue en fait, il y a des locations dans l'habitat partagé. C'est un des sujets de préoccupation, c'est que la ville, c'est quoi? La ville, c'est fondamentalement de la mixité. De l'habitat partagé qui ne serait que de la copropriété ne correspond qu'à une partie des constituants de la ville. Jérémy. Alors en France, effectivement, on a beaucoup d'habitats partagés, que ce soit en urbain ou en rural, qui sont effectivement des systèmes propriétés avec différentes formes juridiques. Dans d'autres pays, on a beaucoup plus de systèmes avec de la location. Donc je pense effectivement au Canada, mais aussi en Europe, en Allemagne ou dans des pays du Nord, où là, le système locatif est beaucoup plus développé, y compris dans les habitats partagés. Avec des initiatives municipales, locales, régionales? De toute forme, des systèmes privés, mais qui s'organisent de telle manière à ce que les habitants soient pas propriétaires, pour justement éviter des systèmes spéculatifs qui pourraient avoir lieu si jamais les groupes se arrêtent de fonctionner en mode participatif. Et donc il y a effectivement beaucoup d'exemples différents avec beaucoup de structures juridiques différentes sur des systèmes locatifs. Et je voulais vous demander aussi, justement, puisqu'on parle de nos voisins européens, est-ce que dans les pays, notamment les pays du Nord, l'Allemagne, la Hollande, l'habitat partagé n'est-il pas beaucoup plus développé qu'ici en France ou en Europe du Sud ? Ouais, c'est vrai que dans les recherches qu'on a pu faire les uns les autres, on a été regardé. Hein. Il y a quand même des. Il faut bien avoir en tête que dans ces pays-là, on part pas de la même base qu'en France. Il y a par exemple quasiment pas d'habitat social. Hein, c'est-à-dire que le concept de HLM est quelque chose de très spécifique à la France, qui date de la Reconstruction d'ailleurs. Hein, donc on a une initiative privée hein, qui, comme disait Jérémy, a essayé de trouver des solutions ouvertes au plus grand nombre. Et puis alors, on a aussi une culture. Alors, je ne sais pas si Maud partagera ce point de vue, mais on a une culture qui est plus portée à la cohabitation, plus communautaire, alors que le projet d'habitat participatif ou partagé français et quand même repose sur le leitmotiv, c'est tous ensemble mais chacun chez soi. Dans ce qu'on a pu voir aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne par exemple, on a des formes de cohabitat, co-housing où on a bien sûr chacun son petit logement, mais souvent rattaché à une grande cuisine commune, à une grande salle commune, ce qui n'est pas tout à fait le projet des groupes français qui, bien sûr, pose d'emblée la question des espaces partagés, mais revendique aussi la possibilité d'avoir une forme de logement privatif bien préservé, quoi. La cuisine commune, c'était aussi l'ère soviétique, hein, je rappelle. Maud, tu réponds à la question. Oui, c'est un peu ce que j'ai observé au Canada, justement, que ça s'est développé, comme je disais, parce qu'il y avait un problème d'individualisme dans cette ville. Et par exemple, du côté du Québec, au contraire, il y avait beaucoup moins de ce genre d'initiative, justement parce que culturellement, plus naturellement, les gens allaient davantage les uns vers les autres. Il suffisait d'avoir son voisin de palier dans un immeuble pour aller le voir beaucoup plus naturellement. Et au final, on s'aperçoit que, enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce genre d'habitat, ça se développe justement en réaction à des problèmes d'individualisme. Et puis, et c'est comme vous disiez, bien dans la copropriété où j'étais, c'était vraiment des maisons individuelles autour d'une cour. Et ensuite, il y avait une grande maison commune avec une grosse cuisine où les gens se réunissaient toutes les semaines pour faire un grand repas. Mais chacun avait quand même sa cuisine chez soi, toute sa maison complètement à eux. Et ensuite, cette grosse maison commune au milieu, ouais. Oui, avant d'attaquer effectivement cette question-là, on a au gouvernement une Cécile Duflot qui s'intéresse quand même pas mal à cette forme d'habitat. Elle est intervenue lors des assises dont tu parlais. Alors, tu nous dis un mot, Christian. Oui, oui. Ben, c'est vrai que je pense qu'elle a une parole d'encouragement. Je pense aussi à l'écoute d'un nombre de plus en plus grand de groupes qui, dans les régions françaises, manifestent leur intérêt et demandent d'être aidé dans la matière. Donc, sans doute de la part du ministre, une écoute et aussi une mise en garde. Mais ça, je pense que nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ce que va produire la politique publique qui est en cours de préparation et doit pouvoir intéresser le plus grand nombre. Et donc ça rejoint la question du locatif de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions de ressources de certains ménages font qu'ils ne peuvent pas prétendre pouvoir accéder à la propriété. Donc il faut qu'on trouve des solutions qui permettront à tous de pouvoir intégrer ce type d'habitat nouveau, hein, ce type de façon, de cadre de vie qui se compose autrement. Donc ça passe notamment par des accords avec les promoteurs sociaux développerait des structures de bâtiments sur le même modèle que les copropriétés, quelque part, de l'habitat participatif, de façon à pouvoir accueillir tout le monde. Et puis, certains du mouvement de l'habitat participatif poussent un peu plus loin et ont été observés au Canada et aussi en Suisse des modèles qu'on appelle de coopératives qui changent fondamentalement les choses puisque on quitte l'espace de la propriété individuelle pour arriver sur une notion de propriété collective. Et donc, dans un certain nombre d'opérations qui sont en préparation en France, il y a cette idée de constituer une coopérative d'habitants qui va permettre d'accueillir les différents types de publics. Et la discussion avec le ministère actuellement tourne autour de cette question la possibilité d'organiser des coopératives. Effectivement, donc on attend une proposition de loi pour juin au gouvernement et une discussion au Parlement à l'automne. On a parlé des questions institutionnelles, des questions de propriété, voire de location. Dites-nous un peu les rapports qu'entretiennent les gens dans les locaux. On a un exemple récemment dans le journal Dans la Voix du Nord avec Anagram. Maud va nous parler encore du Canada. Maud ? Oui. Oui, alors moi, ce qui m'a vraiment plu au Canada, c'était le fait de recréer, de parvenir à recréer cette ambiance de voisinage qu'ils avaient complètement perdue dans cette ville. Et donc, ça se traduisait mais par plein de petites choses au quotidien qui rendaient la vie plus agréable et plus facile. Par exemple, ils avaient une étagère commune où ils mettaient toutes les choses dont ils n'avaient pas besoin. Et ensuite, chacun pouvait passer et les récupérer. Ou alors, ils partageaient Internet. Ou ils avaient un mail commun. Et si quelqu'un avait besoin de quoi que ce soit, il envoyait un mail. Bonjour, est-ce que quelqu'un a une perceuse pour moi ? Et quelqu'un répondait, oui, c'est bon. Voilà, c'est tous ces petits détails du quotidien qui font qu'on est en contact les uns avec les autres, qu'on s'entraide. Ça, j'ai vraiment ressenti ça. Et le fait, de pouvoir très facilement aller chez les uns chez les autres, on s'invite beaucoup plus facilement à manger les uns chez les autres, on va demander des services, c'est très naturel et je me suis intégrée très très vite. C'était vraiment une belle découverte. Je voulais dire, ça ressemble un peu aux services d'échange locaux, dans le sens où c'est aussi un peu de retrouver la convivialité passée. Des époques antérieures, je pense qu'il y a cet aspect-là. En plus, différents aspects de l'économie sociale et solidaire, d'un côté les selles, de l'autre côté l'habitat partagé. Jérémy ? Juste pour rajouter, en plus de cette dynamique vertueuse à l'intérieur du logement partagé, en général, ce type d'habitat crée une dynamique aussi dans la rue, dans le quartier ou plus largement. On a plusieurs exemples d'habitats partagés qui du coup deviennent aussi des associations qui organisent des activités culturelles, politiques, etc. ou qui accueillent aussi ce type d'activités dans leurs locaux. On a l'exemple avec l'Anagram dont on parlait tout à l'heure à Villeneuve-d'Ascq, dont la salle commune peut aussi servir de local associatif. Oui, c'était pareil à Calgary. Cette copropriété, ils organisaient des concerts, ils organisaient des réunions politiques, ils faisaient des événements autour de l'économie sociale et solidaire. Et il y avait une vraie dynamique de quartier autour de cette copropriété. Quelqu'un nous parle d'Anagram, puisqu'on a cité plusieurs fois... Anagram renvoie à une histoire qui, pour finir, maintenant est ancienne, hein, puisque par rapport à la question de tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu dans les années 80 une vague de mobilisation autour de la question de l'autogestion, pour finir, puisque c'est ce qui inspirait beaucoup les groupes de cette époque-là, c'est-à-dire de prendre leur destin en main et trouver ensemble des modes de gestion. À l'époque, le souci environnemental n'était pas encore très présent. Hein, donc Anagramme est de cette génération. En fait, c'est une copropriété de personnes qui, s'étant fréquentées en location précédemment, ont pris le parti de dire, bah, plutôt que de construire comme on faisait à l'époque, chacun, on va chercher un terrain, chacun, et puis on va construire sa maison. Ils se sont dit, on est une dizaine, on va construire ensemble. Et donc c'est effectivement ce type d'opération sur lequel nous nous appuyons, les groupes, hein, quand on parle d'essayer d'expliquer comment ça fonctionne l'habitat participatif, on encourage les personnes à aller voir, à aller visiter. Et Anagramme, par exemple, dans le Nord-Pas-de-Calais, Anagramme fait partie d'un réseau national qui s'appelle Eco-Habitat Groupé. Et dans chaque région de France, on a des éléments de ce réseau qui sont vraiment utiles pour montrer concrètement ce que c'est qu'un habitat participatif. Alors justement, on partage quoi par les perceuses? Chaque groupe définit ce qu'il a envie de partager. Ça peut aller de l'habitat communautaire à l'habitat où chacun a son logement privé et on n'échange que la perceuse. Mais il y a toutes les possibilités. En général, il y a une pièce ou une maison commune qui permet de se réunir, de manger ensemble, d'inviter des amis, etc. Il y a souvent des ateliers de bricolage ensemble. Ça peut également être un jardin partagé quand il y a un jardin. Ça peut être, mais après, ça peut aussi être du matériel. Ça peut être des voitures partagées, ça peut être etc. Toutes les modalités sont possibles. Ok. Et alors, dernier point, ou avant-dernier point plus précisément, donc j'imagine que vous n'êtes pas toute seule, il y a d'autres organisations. Régionalement, localement, comment ça s'organise? Alors, donc EP, juste pour info, se réunit, donc tient une permanence mensuelle tous les deuxièmes mercredis du mois. Donc la prochaine aura lieu mercredi 12 juin à la MRES, donc la Maison Régionale de l'Environnement et des Solidarités, au 23 rue Gosselet à Lille, à côté du parc Jean-Baptiste Lebas. C'est là qu'on habite, nous, à Attac. Voilà, et c'est également l'adresse de EP pour nous joindre. C'est également à cette adresse-là qu'il faut nous joindre. Et sinon, donc il y a donc EP qui est le réseau des futurs habitants, on va dire. Il y a également une branche locale d'éco-habitat groupé. Donc c'est, on va dire, plutôt des habitants déjà en logement participatif. Et après, il y a également d'autres acteurs qui sont plus sur l'accompagnement de groupe et qui, là, interviennent dans toute la France. Donc voilà. Après, il y a des réseaux nationaux, on va dire, parce qu'il y a des associations comme EP dans toute la France, dans chaque ville de France. Et donc, il y a des réseaux nationaux. Il y a le réseau interrégional de l'habitat groupé. Donc le site c'est habitatgroupé.org qui rassemble en fait différentes associations, collectifs d'habitants pour échanger, pour discuter. Donc voilà, il y a des forums, des infos, donc on a cité Ecohabitat Groupé, donc un site également internet. Et il y a les différents acteurs principaux, on va dire, de l'habitat participatif qui organisent tous les ans des assises nationales. Et donc on peut retrouver les infos à ce sujet sur le site habitatparticipatif.net, tout attaché. Voilà. Encore un point apparemment, non ? Oui, peut-être. Oui, puis après, par rapport à la coopérative, le modèle coopératif d'habitants dont parlait Christian tout à l'heure, c'est l'association qui est basée à Lyon, qui s'appelle Abicop, qui porte cette revendication depuis déjà plusieurs années. Et donc, vous pouvez aussi aller faire un tour sur le site abicop.fr. Quelques adresses qui peuvent nous renseigner sur l'habitat participatif, partagé, habitat groupé, habitat écologique. écologique partagé. Merci à tous les trois. On va passer un peu de musique choisie soigneusement par Xavier. Ben ouais. Frank Zappa, on peut difficilement faire mieux. Take off your clothes when you dance. Oui, alors on va passer aux lectures, mais juste avant, une précision de Jérémy. Oui, j'ai oublié tout à l'heure de donner l'horaire donc de la permanence de HEP. C'est de 18h à 20h à la Mresse, donc le mercredi 12 juin. 23 rue Gosselet. On va passer aux lectures. Donc René va nous parler de Marie-Monique Robin, dont on sait que le film sera produit le 23 mai. On en reparle. Vas-y René. Eh bien oui. Il n'y a pas d'alternative aux techniques de l'agriculture moderne, engrais et pesticides chimiques. Sans cela, la production alimentaire baisserait de 40% et les prix augmenteraient de 50%. Un avatar du célèbre Tina de Margaret Thatcher, martelé par les élites et les médias. Eh bien si, il y a une alternative et Marie-Monique Robin le démontre de manière irréfutable au travers d'une série de reportages et de témoignages menée sur 4 continents. Cette alternative s'appelle l'agroécologie. Par utilisation de techniques biologiques et biodynamiques, par l'association astucieuse de différentes cultures qui à la fois améliorent le sol, entretiennent la biodiversité et repoussent maladies et parasites, l'agroécologie se révèle être une agriculture à la fois très productive et durable. Elle a permis de sortir de la malnutrition de nombreuses communautés agricoles du Sud. Elle est aussi source de promotion sociale en associant savoirs ancestraux et recherche de pointe dans les domaines de l'écologie et des sciences de la nature. Elle met sur un pied d'égalité le petit paysan et l'ingénieur agronome. Enfin, elle met en lumière le rôle incontournable des petits agriculteurs dans l'approvisionnement alimentaire. Eux peuvent nourrir la planète, pas l'agriculture industrielle. D'ailleurs, les organisations onusiennes commencent à le comprendre. On le voit notamment au travers des propos d'Olivier de Schutter, le rapporteur des Nations Unies pour le droit à l'alimentation, que Marie-Monique Robin a rencontré plusieurs fois. Sur un autre plan, témoignages à l'appui, Marie-Monique Robin pointe les méfaits de l'agro-industrie et nous montre que ce n'est pas une agriculture durable. Elle épuise les ressources, participe largement à l'émission de gaz à effet de serre. De plus, elle est fragile, particulièrement sensible aux maladies, parasites et accidents climatiques. Et elle repose largement sur les hydrocarbures en voie d'épuisement. Elle est l'œuvre des multinationales, de l'agrobusiness mondialisé, qui, profitant des politiques de libre-échange, a mis en coupe réglée agriculteurs, États et peuples, avec pour résultat, in fine, les émeutes de la faim en 2008. Mais Marie-Monique Robin ne nous laisse pas sans espoir. Les agriculteurs, au nord comme au sud, sont de plus en plus nombreux à se convertir à l'agroécologie, soutenus par les organisations paysannes, telles Via Campesina. Elle nous rappelle aussi que chacun d'entre nous peut intervenir pour changer la donne, dans le choix de son alimentation, ou en intégrant des organisations comme les AMAP en France, et que tous ensemble, nous pouvons rendre possible cette alternative salvatrice. Les moissons du futur, comment l'agroécologie peut nourrir le monde, de Marie-Monique Robin, aux éditions La Découverte et Arte Éditions, 19,50 €, que vous pourrez vous procurer, dédicacé s'il vous plaît, ainsi que le DVD, le jeudi 23 janvier au Majestic à Lille, si vous venez à la projection débat, bien sûr. Bien, bon, on va terminer avec le calendrier. Effectivement, le gros rendez-vous que nous donnons à nos auditeurs et auditrices, c'est bien ce film le jeudi 23 mai à 20h au Majestic sur les moissons du futur, dont René vient de vous lire sa fiche de lecture, on va la dire comme ça. Encore une fois, il est prudent de réserver. On attend beaucoup de monde, tant nous avons été soutenus à attaque dans cette initiative. Alors, je rappelle aussi que dans le calendrier que nous a envoyé Antoine, il y a encore le 70e anniversaire du Conseil national de la Résistance, le 8 et 9 juin. C'est au cinéma l'Univers rue Danton à Lille. Je rappelle aussi que, à ce propos, un film va sortir de Ken Loach sur le rappel de la Résistance en Angleterre au sortir de la guerre. On termine là-dessus. Je vous souhaite un excellent week-end, un peu prolongé par l'Ascension ou la Pentecôte. Je ne sais jamais lequel des deux. C'est la Pentecôte. Merci René. Le prochain thème sera les coopératives. Bon week-end à tout le monde. Santé, mais depuis quelque temps il ne causait plus tout seul. Il ne sifflait plus son vieux corps. Thank you. sentirait la force d'aller se nouer. Autour des barreaux du lit du père Grimoine pour causer. Bonjour père Grimoine, ça fait plaisir de te voir.